Alors, de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Qui ne s'est pas déjà questionné sur la durabilité des produits qu'il achète? On s'est tous fait au moins la réflexion suivante. Comment se fait-il que ma cartouche d'encre est déjà vide? Ou encore, comment se fait-il que la TV noir et blanc de ma grand-mère fonctionne encore très bien alors que ma TV plasma a rendu l'homme après 7 ans? Alors, de telles réflexions sont liées au constat que certains produits semblent avoir une durée de vie limitée. Et ces constats sont fondés, il ne s'agit pas là d'un mythe. L'obsolescence programmée, parce que c'est de cela qu'il s'agit, consiste à créer un bien en prévoyant sa date de désuétude. Et ce phénomène ne date pas d'hier. Alors, pour nous en parler, j'accueille notre chroniqueuse Geneviève Gay qui va nous expliquer ce phénomène. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors, on parle d'obsolescence programmée lorsque les fabricants produisent conçoivent, en fait, et produisent des trucs dont la durée de vie ou d'utilisation est délibérément courte. Et on met l'accent sur délibérément. Délibérément courte, oui, vraiment volontairement. Ça oblige ou incite les consommateurs à remplacer leurs produits en achetant des nouveaux. Dans certains cas, les fabricants vont ajouter volontairement des défauts de conception à leurs produits. Même que l'obsolescence programmée est perçue comme un modèle économique, mais dont la base serait initialement philanthropique. Tu veux dire que le souci, en fait, premier de l'obsolescence programmée serait, en fait, le bien-être de l'humanité, devançant les préoccupations mercantiles des fabricants? En effet, c'est surprenant, mais un certain Bernard London, qui était un riche homme d'affaires américain d'origine européenne, par contre, aurait proposé de rendre obligatoire l'obsolescence programmée, non pas en produisant des produits de mauvaise qualité, mais plutôt en imposant une date limite légale aux produits. En fait, une date d'expiration, en quelque sorte. Oui, comme ça, ben, les gens devaient entretenir un flux continuel de produits manufacturés, puis tout ça dans le but de sortir l'Amérique de la Grande Dépression, soit en créant de l'emploi, en stimulant la consommation des ménages. Il y a un projet de loi qui a été déposé, qui a été proposé, mais il n'a jamais été voté. Sauf que les manufacturiers, eux, ont vu le potentiel de cette chose-là, puis ils ont quand même adopté l'idée de renouvellement des marchandises. Donc, de nos jours, l'obsolescence programmée est appliquée partout. Et quand on pense à l'obsolescence programmée, on pense à des produits qui brisent ou qui s'usent, en fait, prématurément. Mais ce n'est pas seulement toujours le cas. Certains produits se démodent et alors les consommateurs sentent le besoin aussi de les changer. Tu as tout à fait raison. Puis ça, c'est un des premiers exemples d'obsolescence programmée, on peut dire. C'est l'exemple classique de ça, c'est le Model T de Ford, la première voiture. Bon, le véhicule était fiable, facile à réparer, était durable, était accessible à l'Américain moyen. Puis il y avait juste un seul modèle année après année. Sauf que General Motors ont mis sur le marché des voitures puis ont établi au sein même de la concurrence, le design, l'attrait de la nouveauté dans les habitudes de consommation des acheteurs. Donc, en démodant rapidement les produits par la publicité, General Motors a poussé l'automobiliste à abandonner son véhicule démodé au profit d'un modèle plus récent. Donc, pour survivre, Ford a dû changer de stratégie puis se lancer dans la course au nouveau modèle. C'était le début de l'obsolescence programmée par l'esthétique et le design. Puis ça voulait, en fait, inculquer à l'acheteur le désir de posséder quelque chose d'un peu plus récent, mais surtout de le posséder plus rapidement qu'il est vraiment nécessaire. Donc, tu as mentionné tout à l'heure le cas de produits qui s'usent et qui brisent, souvent prématurément. Bon, ça, c'est des exemples, c'est une variante de l'obsolescence programmée. C'est l'obsolescence par défaut fonctionnel. L'exemple classique, c'est les ampoules incandescentes. La durée de vie moyenne de ces ampoules était au début du siècle de 2500 heures, puis certaines ampoules étaient même conçues pour durer plus de 100 000 heures. Sauf que les fabricants ont vite compris que s'ils fabriquaient des ampoules de très longue durée, ben. Alors, bientôt, en fait, ils s'en viendraient, il s'en vendrait plus et tout le monde serait déjà équipé pour longtemps. Ben, c'est ça. Donc, en 1927, il y a des industriels qui ont décidé d'établir la durée de vie maximale des ampoules à 1000 heures. Donc, depuis ce temps-là, la durée de vie des ampoules est limitée mécaniquement dès la fabrication, ce qui oblige les gens à en acheter continuellement. Ouais, et en fait, est-ce que les fabricants, en fait, ont diminué le prix proportionnellement à la longévité? Ça serait étonnant, j'imagine, qu'ils aient pensé à ça. Je ne sais pas. Si on diminue le prix, probablement. Probablement. Pense, ouais. Oui, d'après moi. Cette honnêteté-là. C'est peut-être pas aussi marqué que aujourd'hui, ce l'est. Là. C'est un cas avéré que les produits qui ont l'obsolescence programmée à l'intérieur même de leur conception, eux, ils coûtent moins cher à l'achat. Le cas des imprimantes qu'on va revenir tout à l'heure. Okay, okay. Mais dans le cas des ampoules, il faut se ramener à l'époque, en 1927. Ouais. Peut-être un peu. Il faudrait le documenter. Ça vaudrait la peine de faire la recherche, effectivement. Puis aussi, évidemment, tous ces changements ont été faits à l'insu des consommateurs, j'imagine. Là. Oui, effectivement. Sûrement. Hein. Alors, il existe l'obsolescence programmée par l'esthétique et le design et l'obsolescence par défaut fonctionnel, mais existe-t-il d'autres variantes de l'obsolescence programmée? Oui. Il y a l'obsolescence par péremption. Donc, certains produits ont une date de péremption, après quoi ils sont vus comme étant passé date. C'est souvent le cas pour les denrées alimentaires. C'est comme le yogourt, le beurre d'arachide, certaines boissons, la plupart des cannes de conserve. Mais on sait très bien que le bon nombre de produits sont encore utilisables passé cette date. Donc, les dates proposées sont trop hâtives dans les faits. Mais les gens ont développé la crainte des empoisonnements. Ils prennent pas de chance, ils jettent et en achètent des produits frais. Mm-hmm. Donc, mais sauf qu'on le sait, le cas des yogourts, là. Trois semaines, un mois passé la date. Oui, moi, j'achète même des fois de la viande, du poulet, là, puis des fois, il est passé une semaine, puis je le sens, puis il sent vraiment très bon. C'est encore impeccable, on peut congeler aussi. Oui, tout à fait, je le cuis, puis je le mange quand même. Là. C'est ça. Donc, il faut juste être un peu averti, puis se servir un peu de ses autres sens que. Juste son argent. Son jugement, effectivement. C'est ça. Donc, il y a aussi, dans les autres cas d'obsolescence, on va continuer, il y a l'obsolescence par incompatibilité. Le cas typique, c'est l'informatique. Donc, le produit devient inutile quand il est plus compatible avec les versions plus anciennes. Uh-huh. Donc, Oui, en fait, on pense tout au logiciel, puis au changement du format de fichier entre deux versions, en fait, d'un même programme. Mm-hmm, puis les anciennes versions deviennent inutilisables parce qu'elles sont incompatibles avec le nouveau standard. En fait, on connaît bien les... soit en informatique. Toutes les versions là, de tout le... Bon, toute la suite Office et tout ça. Là, oui, bon. Écoute, moi-même, quand j'ai changé d'ordinateur, j'ai même voulu essayer de réutiliser le clavier que j'aimais bien. J'ai jamais été capable de le rebrancher. C'est impossible. Voilà, incompatibilité. C'est ça, t'as raison. Donc, mais souvent, dans le cas des logiciels, bon, il faut un programme spécial pour que les anciennes versions soient traduites. Souvent, faut payer pour ça. La plupart du temps, c'est intégré, mais jusqu'à un certain laps de temps. Ouais. Passé un certain laps de temps, là, il n'y a plus rien à faire. Okay. Donc, ça nous incite à consommer. Donc, un autre exemple populaire d'obsolescence par incompatibilité, ben, les imprimantes, ou plutôt, je dirais, les cartouches d'encre qui sont plus produites par le fabricant. Puis là, ben, essayez pas de faire des substitutions, là, parce que les cartouches qui sont fournies par le fabricant disposent le plus souvent d'un circuit d'identification qui indique à l'imprimante que la cartouche est officielle. Okay. Si elle l'est pas, ben, l'imprimante va refuser d'imprimer ou va imprimer avec une qualité moindre. C'est sûr qu'il existe des logiciels pour contourner cette exigence-là, mais ils ne sont pas gratuits, évidemment. Tu mentionnes les cartouches d'encre des imprimantes. Mon imprimante a déjà indiqué que mes cartouches étaient vides alors qu'elles ne l'étaient pas vraiment, visiblement, en tout cas. Alors, j'avais cru à un défaut de fabrication, mais j'imagine qu'il s'agit là d'une autre variante d'obsolescence programmée. Voilà. Il s'agit d'obsolescence par notification, celle-là. Le produit est conçu pour signaler à l'utilisateur qu'il est temps de réparer ou de remplacer l'appareil en tout ou en partie. Il y a beaucoup d'appareils là, qui ne signalent pas en vain. Là. C'est vraiment fondé. On a vraiment ça les met des signaux valables. Mais dans le cas des cartouches d'encre, le signal est souvent émis quand il reste encore de l'encre. Donc, dans les cas les plus insidieux, il devient même impossible d'utiliser l'imprimante tant que la cartouche n'est pas remplacée. C'est pourquoi ces imprimantes ne sont jamais bien chères à l'achat. C'est sûrement une stratégie pour inciter les gens à les acheter, là, c'est vrai. Et qu'en est-il des téléphones cellulaires dont les batteries s'usent rapidement ou dont les chargeurs deviennent introuvables? Ben, c'est la dernière variante d'obsolescence qu'on appelle l'obsolescence indirecte. Dans le cas des téléphones ou des iPods première génération, qui ont justement... Dans le cas des iPods, là, c'est allé jusqu'en cours. Là, ils ont reconnu, c'était vraiment de mauvaise foi. Les télé, les lecteurs, DVD, les électroménagers, bon, mais ces produits-là sont encore tout à fait fonctionnels, mais ce sont les produits associés qui sont plus disponibles ou qui sont disponibles à des prix exorbitants. Non. Donc, par exemple, dans mon cas, un exemple qui m'a incité à faire la chronique, c'est que j'ai dû changer ma cuisinière âgée de 4 ans seulement, flambant neuve, parce que le thermomètre à l'intérieur, le senseur de température, n'a pas fonctionné pendant l'auto-nettoyage, puis toutes les composantes électriques et électroniques ont fondu. Tu aurais pu passer au feu. Oui. Ah oui, parce que ça s'est rendu très, très chaud. Heureusement, j'étais dans les parages. Oui. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est arrivé 4 mois après la fin de la garantie prolongée. Tiens. C'est un peu louche, coïncidence, tu sais, vraiment. Donc, j'ai voulu faire réparer la cuisinière, mais ça m'aurait coûté plus cher que de m'en acheter une neuve. Évidemment. Donc, je l'ai laissé partir malgré vraiment une impression vraiment très forte de gaspiller un produit qui est encore très bon. Et c'est le sentiment qui habite bien des consommateurs lorsqu'ils doivent se procurer de nouveaux produits alors que leurs vieux produits, finalement, sont encore bons. Oh oui, et on n'a même pas encore parlé de l'impact écologique de cette surconsommation-là, on s'en doute, est très, très important. Mais malheureusement, la façon de faire, l'obsolescence programmée, là, c'est pas, ça n'arrêtera pas demain, les changements ne seront pas apportés de si tôt. Oui, j'ai l'impression même qu'on s'ingénie à trouver des façons de... De plus en plus subtiles, vraiment. Puis l'obsolescence programmée fait partie intégrante du modèle économique de l'industrie actuelle qui est basé sur le capitalisme. Bon, les changements globaux ne sont pas réalistes dans l'immédiat. Alors quoi? Ben, on faut l'assumer. On est une consommation, une génération de grands gaspilleurs. Peut-être, je l'espère, une des dernières avant le grand crash de l'avion sans pilote que l'obsolescence programmée. Et même les consommateurs les plus avertis et responsables, on peut pas faire abstraction de ce fait-là. Mais en attendant les grands changements, il est quand même possible d'agir à notre échelle, l'échelle du consommateur, via une certaine sélection dans nos comportements, par exemple. On peut freiner certaines dépenses sur des secteurs moins critiques de notre vie de consommateur ou être moins dépendant des modes. Parce que c'est quand même une forme d'obsolescence programmée qui en croissance, qui n'est vraiment pas nécessaire et que nous, en tant que consommateurs, c'est très facile de mettre fin à ça. Ça, c'est un fait. C'est là où on peut avoir le contrôle dessus. Exactement. Là. Voilà. Ben, finalement, Geneviève, force est de constater que l'obsolescence programmée est aux antipodes de la consommation durable et de l'environnement. Oui. Bon, parce que c'est, en fait, dans les dépotoirs que se retrouvent tous ces cadavres d'appareils. Et en fait, on sait que ces appareils électroniques contiennent des produits toxiques pour l'environnement. Oui. Alors, Geneviève, merci infiniment pour cette excellente chronique. Ça me fait plaisir. En pause publicitaire sur CKRL 89,1.